t'étais pas mon ami. Gamos de Copenhague, une balle dans la nuque. Et j'ai deviné, je vois le hackard prendre la fuite. Et j'étais minot et moi personne me l'a fait. J'ai des camarades qui ne passeront pas la nuit. Comment rater s'il faut que j'en parle à ma mif. Et si je mérite pas, je me retire dans la street. Sérénité, je fais ma place dans la vie. Quand on a coupé les caisses, gratté les pièces dans le bendo. À plein temps, je les regarde faire les fiers. En hiver, je vais les faire gros. Au printemps, j'ai des vis de lutin. Putain de merde, je vais être riche. Oh non, mais quel fils de putain veut se retrouver sur ma liste. De maintenant, merde, je me réveille mal. Maman voit son bébé cloqué dans le palier. Or pour la perpète, quand est-ce que je gagne. La folie dans la tête, tête, caillou dans le caleçon. Et je me relève seul, je fais ma recette. Jamais je fais la resta, je parle de ce qui me concerne. Et personne me console, personne me conseille. Je suis solo comme d'autres. Poto, j'arrive vraiment de manière. En plus de ça, ça ne doit pas dire. Et puis j'ai jamais compris, jamais compris. Pourquoi je suis dans le marié. J'étais la façon dans ton barilé. J'te fais du bien mais tu peux pas nier. Mais bon j'ai jamais compris, jamais compris. Pourquoi t'es pas mon allié. Je veux la monnaie, les love, ouais, la monnaie, ouais, je suis rap, t'as reconnu mes torts. Enfant de pauvre à l'école, avec un slash dans le cartable, on connaît les codes. On a hérité du jet, de ses têtes, de ses pleins pro. À 20 ans, je les regarde faire les tirs en hiver, je vais les faire gros. Au printemps, pas de trans de buté, fils de putain, veut m'affliger. Oh non, et je reste écouté, la petite voix qui m'attire. Dès maintenant, réveille mal, maman voit son bébé cloqué dans le palier. Or pour la perpète, quand est-ce que je gagne. La folie dans la tête, tête, caillou dans le caleçon. Et je me relève seul, je fais ma recette. Jamais je fais la resta, je parle de ce qui me concerne. Et personne me console, personne me conseille. Je suis solo comme d'autres. Poto, j'arrive, fais-moi de manière. En plus de ça, ça ne donne pas dire. Et puis j'ai jamais compris, jamais compris.